comme ils n'admettent que leur ritournelle. Les musiciens nous mettent un sacré bordel. Triste, les mélomanes règlent le problème. À chacun son Walkman, à chacun sa FM. Nous on préfère un petit air. C'est pas du Berlioz, mais ça vous rend tout chose. Un petit refrain tournant sans fin, ça vous met le cœur de bonne humeur. Piano, flûte ou tambour, t'as le choix des armes. Les plus cons optent pour la chanson de charme. Les ambitieux taquinent les radios crochets. Les paresseux s'obstinent à secouer leurs rochers. Nous on préfère un petit air. C'est pas du Handel, mais ça a de la gueule. Un petit refrain tournant sans fin, ça vous met le cœur de bonne humeur. Y'a les coups de sifflet trop autoritaires, l'air que les flageolets feraient mieux de taire. Y'a les coups de clairon par trop matinaux, la ronde, le ronron des hymnes nationaux. Nous on préfère un petit air. C'est pas du Ludwig, mais c'est un peu magique. Un petit refrain tournant sans fin, ça vous met le cœur de bonne humeur. Joujou avec nos klaxons, scander des sous des sous dans un mégaphone. Chanter gloire au gratin du jeu politique, débiter en latin des chapelets de cantiques. Nous on préfère un petit air. C'est pas du Verdi, mais ça le fait aussi. Un petit refrain tournant sans fin, ça vous met le cœur de bonne humeur. On pourrait jouer très fort des riffs diaboliques, exhumer du folklore les vieilles reliques. On pourrait tout miser à fond sur l'intox, en chantant déguisé en de bons coups de jukebox. Nous on préfère un petit air. C'est pas du Boulez, mais ça vous comble l'aise. Un petit refrain tournant sans fin, ça vous met le cœur de bonne humeur. Nous on préfère du Chopin, mais ça vous fait du bien. C'est pas du Ravel, mais ça rend la vie belle.